Premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Nord et du Pas-de-Calais. Ce matin, nous aborderons la culture ouvrière de cette région. Demain, le documentaire de Victor Massé-Lépiné et Anne Fleury dressera le portrait d'une figure de la ville de Roubaix, Mamadou. Il était boxeur et guérisseur et c'est ainsi qu'il est connu dans cette ville et dans la région. C'est ce portrait donc qui sera au cœur du documentaire de demain. Mercredi, nous nous intéresserons à la question de la culture régionale dans cette région et jeudi de cette partie des Flandres avant qu'elle ne devienne française. Et aujourd'hui, c'est de la culture ouvrière de la région du Nord et du Pas-de-Calais liée au textile, à la sidérurgie et à la mine dont il sera question avec Victor Massé-Lépiné qui a préparé cette série d'émissions avec nous. En première partie, nous vous parlerons de la figure de Martha Desrumaux sur laquelle a écrit notre invité Pierre Houteric. Il est professeur agrégé d'histoire, il travaille à l'IRIS et à la Fondation Varenne. Il est auteur entre autres de Martha Desrumaux, une femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée et féministe. Et puis dans la deuxième partie de cette émission avec Marion Fontaine, maître de conférence à l'Université d'Avignon et spécialiste de l'histoire du bassin minier, nous discutons de la mémoire et de l'histoire de cette culture ouvrière du Nord et du Pas-de-Calais. Bonjour Victor Massé-Lépiné. Bonjour Emmanuel. Et bonjour à vous Pierre Houteric. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et meilleurs voeux à tous. Et vous avez raison, il est encore temps de souhaiter ses voeux donc pour cette année 2018, une année dont vous espérez qu'elle sera marquée par un événement autour d'une figure que vous connaissez bien, la figure de Martha Desrumaux. Alors si la culture ouvrière colle, et on en parlera en deuxième partie de cette émission avec l'historienne Marion Fontaine, colle de manière un peu trop présente peut-être à cette région du Nord et du Pas-de-Calais, éclipsant toutes les autres types de cultures et d'histoires qu'il a pu y avoir dans cette région, c'est aussi parce qu'il y a des figures comme celle de Martha Desrumaux qui, curieusement, est assez peu connue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous qui êtes l'auteur donc avec le comité régional CGT Nord-Pas-de-Calais et l'association CRIS de Une femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée et féministe, qui était donc cette Martha Desrumaux ? Martha Desrumaux est née en 1897 à Comines, au bord de la Lys, sixième enfant d'une famille de sept. Comines est une ville textile. Son père, qui travaillait à l'usine à Gas, près de Comines, a été licencié. Il a monté, comme c'était souvent le cas à l'époque pour des travailleurs licenciés, un petit commerce, épicerie et crèmerie. Et il meurt tragiquement en août 1906, écrasé par la pompe à eau des pompiers. Il était pompier volontaire. Elle a 9 ans à cette époque. Elle a à peine, voilà, elle n'a même pas 9 ans, elle a à peine 9 ans, bon, puisqu'elle est née le 18 octobre. Mmh. Bien. Et elle est envoyée comme domestique dans une maison bourgeoise de la banlieue de Lille. Elle s'enfuit. Elle n'a jamais dit pourquoi exactement elle s'est enfuie. Elle revient sur Comines et elle décide de devenir ouvrière. À quel âge alors ? Elle a 9, 10 ans. Dans sa 10e année. C'est très très jeune. Très très jeune. Bon. Ce qui est même, normalement, qui n'était pas légal. Bien sûr. Mais on sait très bien qu'il y a la légalité et le fait. Bon. À 13 ans, ce qui est aussi extraordinaire, elle adhère à la CGT. Il y avait peu de femmes qui adhéraient à la CGT à l'époque. À 15 ans, elle adhère aux Jeunesses Socialistes. Elle est profondément marquée par les batailles de Jean Jaurès, qui avait séjourné dans la ville de la Lys en 1902-1903. Et elle va mettre en berne le drapeau rouge qui flottait sur la maison du peuple de Comines. Évacuée durant la guerre, elle va organiser... La Première Guerre mondiale, en l'occurrence. Première Guerre mondiale, voilà. Oui, excusez-moi. Oui, oui. Évacuée parce que cette région est occupée par l'Allemagne, ce qu'on oublie souvent, oui. Par les forces allemandes, et donc elle est évacuée, elle va du côté de la région de Lyon, c'est ça ? Voilà, elle est évacuée pendant la guerre, il y a déjà les Allemands. Et elle est évacuée, elle va en train par la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, jusqu'à Lyon. Bon. Elle travaille dans une usine textile, l'usine Hasbrouck, qui lui-même avait été évacué, il venait aussi de Comines, et en août 1917, elle organise, avec les ouvrières de son atelier, une première grève. Elle a 20 ans à ce moment-là. Elle a à peine, oui, elle a 20 ans, oui, elle a 20 ans, oui, bon, c'est sa première grève, c'est un succès, les ouvrières obtiennent un certain nombre de revendications, de satisfactions, et très vite, elle va s'organiser un peu plus, elle est profondément influencée par les mouvements révolutionnaires qui touchent l'Europe et qui sont nés en Russie, et entre autres la Révolution d'Octobre. Elle revient à Comines en 1920-1921 et elle adhère au jeune parti communiste. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Peut-être qu'il faut préciser tout de suite une chose, c'est qu'à ce moment-là, elle a donc une vingtaine d'années, elle ne sait toujours pas véritablement lire et écrire. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'a fait peu d'écoles primaires, elle a commencé à travailler à 9 ans. Puis bon, on est entre nous là. Bon, c'était pas son truc, vous voyez, c'est dans certaines de ses familles. Bon, mais en revanche, son frère, Émile, savait lire et écrire. Et dès avant 14, son frère lisait la presse syndicale, les différents types de presse révolutionnaire de son époque. Alors, elle est repérée très rapidement grâce à cette façon dont qu'elle a de diriger des grèves par les responsables du Parti communiste auquel elle vient d'adhérer, en l'occurrence. Et assez rapidement, elle va être envoyée à Moscou par l'Internationale communiste. Ça sera en 1927. Elle est envoyée à Moscou en 1927 après toute une série de grèves. Alors, pour montrer les conditions de vie de travail de l'époque, en 1924... Dans son atelier à Comines, les femmes font grève, elles demandent. Alors, les conditions de travail étaient terribles à l'époque. Mmh. Atelier chaud, le froid l'hiver en sortant, on pataugeait dans l'huile et dans l'eau. Mmh. C'était des conditions très dures. Et les ouvrières font grève en demandant d'avoir le droit d'avoir des galoches en bois et d'avoir des tabliers de cuir pour éviter les projections d'huile et d'eau. Mmh. Elles obtiennent satisfaction et le patron propose à Martha de devenir contremaître, en gros pour l'acheter. Quoi. Bon. Mmh. Alors elle accepte, mais en fin de compte, elle transforme son rôle de contremaîtresse un rôle de délégué syndical. Donc, elle va être licenciée. C'est pas tout à fait ce qu'espérait son patron, j'imagine. Voilà, c'était pas ce qu'espérait son patron. Et donc, en 1925, Torres, qui n'était pas secrétaire général du Parti communiste, mais qui militait contre la guerre du RIF, fait un meeting à Lille. Elle était déjà repérée. Mmh. Hein, bon, c'était une femme grande, alerte, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Mmh. Et lui dit, écoute, Martha, tu vas rédiger le télégramme pour le président de la République. Elle sait à peine lire et écrire. Elle a commencé à lire et à écrire dans les écoles du Parti communiste, dirigées à l'époque sur l'île par Madeleine de Vernet, qui repère cette jeune femme qui a faim, bon, parce que c'était dur aussi à l'époque, hein, bon, et qui ne sait ni lire et écrire. Elle lui apprend à lire et à écrire. Et alors en 27, elle va diriger une délégation de femmes pour le 10e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Mmh. Elle part même clandestinement de France parce que elle n'a pas elle n'a pas de visa, elle n'a pas de passeport. La préfecture lui a refusé son passeport. Et elle arrive à Moscou, c'est elle qui dirige la délégation. Elle y rencontre la femme, la compagne de Lénine. Elle y rencontre aussi Clara Zetkin, cette femme qui avait organisé fait du 8 mars une journée de protestation et de lutte. Mmh. Elle y rencontre même, là, du moins c'est ce qu'on dit à l'époque, une des premières musulmanes qui aurait ôté le voile. Mmh. Mais elle ne reste pas à Moscou. Elle revient en France, elle dirige la grande grève d'Alluin, grève des Dissous, les grèves de 30 et de 31. Et en 31, là, elle part pendant plusieurs mois à Moscou, environ 18 mois à Moscou, pour rejoindre ce qu'on appelle l'université Lénine, qui c'était un lieu où, entre autres, étaient formés des militants ouvriers, du mouvement ouvrier du monde entier. Elle va y assister pendant... Vraiment, c'est son université. Oui, et c'est là où on note, dans, comme on note les élèves, en l'occurrence, on note qu'elle est d'un dévouement illimité au parti. C'est ce que dit la notice du Métron qui a été consacrée à Martha Desrumaux. Et qu'elle est bonne pour le travail de masse, mais pas pour l'organisation. C'est-à-dire que oui. C'est ce que disent, en tout cas, les responsables de l'université léniniste à Moscou en 1931, quand elle y va, donc à l'instigation d'Eugène Fried. Maintenant, on pourrait discuter sur le deuxième aspect. Mmh. Bon, mais bon, là n'est pas l'objet du débat. Et elle y retrouve un militant qui est arrivé dans le Nord, Louis Manguine, qui est un métallo. Elle est amoureuse de lui. Il semblerait même qu'elle l'ait épousé une première fois à Moscou, mais on y reviendra après. Mmh. Donc voilà. Et alors, revenue en France, elle participe pleinement à l'action du Parti communiste et des forces de gauche pour la construction du Front populaire. Mmh. En, je pense, prenant comme base ce qui s'est passé en Allemagne, le parti nazi a réussi à faire une large alliance des financiers aux chômeurs. Mmh. Comment empêcher qu'une telle alliance se développe en France? Mmh. Et donc, dès décembre 1933, elle va organiser une des marches de la faim, la marche des chômeurs du Nord, qui va partir de Lille à pied jusqu'à Paris. Ils vont un grand meeting, ils n'attendent pas à Paris parce que Paris a été interdit à cette manifestation, à Saint-Denis. Un grand meeting les attend avec 5-6 000 travailleurs. Ils partent une centaine du Nord, mais il y avait déjà eu plusieurs meetings dans tout le Nord, que ce soit le bassin minier, la région calaisienne ou la région lilloise. Victor Massé de l'Épinay. Oui, on voit avec vous, Pierre Outric, que Martha Desrumaux était de toutes les luttes, on peut dire. Emmanuel Laurentin vient de nous dire qu'elle était qu'une notice de l'école léniniste internationale disait qu'elle n'était pas bonne en organisation. Ça, peut-être qu'on pourrait y revenir, mais sur la théorie, puisque lutter, c'est une chose, mais il y a aussi, dans ce monde syndical des années 20 et des années 30, dans ce monde de ouvriers, des dissensions, des nuances, c'est peu dire, y compris dans le monde syndical, y compris à la CGT, puisqu'il y a la CGTU et la CGT. Alors, comment se positionne dans ce monde-là Martha Desrumaux? Est-ce qu'elle est avant tout une lutteuse ou est-ce qu'elle a aussi des avis tranchés, des théories? Martha est une lutteuse, est une combattante, et elle a aussi des avis tranchés et des avis à l'époque que je peux considérer comme très modernes. En 1930, elle va mettre en grève les ouvriers de la ville de Bailleul. Il n'y avait plus d'union locale, elle avait cessé d'exister en 14-18. Et elle arrive à organiser ses travailleurs en regroupant des travailleurs d'obédience ou de philosophie socialiste, communiste, chrétienne et sans parti. Mais elle va plus loin. Elle arrive à associer au mouvement des petits fonctionnaires, des commerçants, des paysans. Nous sommes dans une région rurale. Bailleul, c'est entre Lille et la côte. Et en leur disant, voilà, il faut que vous aidiez ces travailleurs, car ils ne luttent pas contre vous. Aidez leur comité de grève, car s'ils gagnent plus, ils s'achèteront plus chez vous. On est déjà dans des formulations qu'on va retrouver plus ou moins 4-5 ans plus tard lors du Front populaire. Front populaire pendant laquelle elle est représentante justement des ouvrières du Nord au sein de l'ensemble de ceux qui vont négocier les accords donc salariaux et ouvriers justement. Et cela, c'est une particularité. Elle est la seule femme. C'est la seule femme présente. Côté de Jouot, côté de Jouot, Frachon, dans cette délégation. Pour les accords Matignon. Lors de la signature des accords Matignon, le 7 juin 1936, parce qu'elle va amener à ces accords la preuve des conditions de vie et de travail difficiles des femmes ouvrières. Elle arrive à obtenir des femmes ouvrières du Nord, enfin, une partie de certain nombre de femmes ouvrières, leur fiche de paye. Vous savez qu'il n'est pas facile de donner sa fiche de paye. Mmh. Elle arrive avec des fiches de paye, elle est dans la salle, et c'est elle qui, à la demande de Frachon et de Jouot, passe les fiches de paye, ce qui seront mis devant les patrons en disant, voilà, vous nous dites que vos ouvrières sont bien payées, voilà des fiches de paye. Voilà. D'accord. Bon, ça va être un des éléments qui va permettre d'avancer plus rapidement les fameux accords Matignon qui ont joué un rôle si important et qui vont ouvrir la voie aussi au congé payé, à la semaine de 40 heures, etc. Victor Massé-Lépiné. On n'a pas encore évoqué l'aspect physique de Martha Derumeau, qui est pas complètement anodin, puisqu'elle était très grande, peut-être encore plus pour l'époque. Elle faisait 1m75. Oui. Elle avait aussi un accent du Nord, puisqu'on va parler du Nord, qui était parfois moqué, en tout cas notable. Est-ce que tout ça a fait d'elle, dès les années 30, dès ses accords Matignon par exemple, une icône connue au niveau national ? Au niveau national, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que, un, c'est une ouvrière. Deux, c'est une femme. Trois, c'est pas une femme qui travaille sur la théorie. Elle écrit peu. Bon. Et puis, elle a un accent. Elle a un accent. Alors, elle parle. Elle parle français. Je vous donnerai un élément qui permet de le dire. Mais elle parle avant tout en ch'ti. Elle s'adresse à la langue que parlent les ouvrières et les ouvriers sur Roubaix, l'île Tourcoing et dans tout le Nord, hein, elle parle ch'ti. Et elle est capable de leur dire en mots très simples les raisons pour lesquelles il faut rentrer en lutte, pour lesquelles il faut se rassembler et s'unir. Ça, elle sait très bien le faire. Et surtout qu'elle a compris, je reviens un peu en arrière, lors de l'école léniniste, elle participe à des réunions de la Troisième Internationale, et elle a pointé qu'en France, il ne pouvait y avoir de transformation sociale qu'avec des liens entre le courant révolutionnaire, à l'époque considéré comme animé par le Parti communiste, et le courant socialiste, social-démocrate. Elle le dit très tranquillement lors des réunions de qu'elle assiste à Moscou, dans ce qu'on appelle les parties latines de l'Internationale communiste. Alors, il y a la guerre qui se déclenche, juste avant la guerre, enfin au moment du déclenchement de la guerre, comme tous les membres du Parti communiste, elle est poursuivie, donc, et elle va devoir quitter la France pour la Belgique. Il y a toujours cette période un peu difficile pour le Parti communiste à expliquer. C'est la période du pacte germano-soviétique, le moment où on est entre deux guerres, d'une certaine façon, et donc cette guerre qui va voir la défaite de la France, et puis ensuite l'arrivée des nazis en France et des forces allemandes en France, et puis le moment où on va s'engager, et très tôt, dans la résistance pour Martha Derumeau, puisque elle s'engage à quel moment ? C'est toujours difficile de savoir à quel moment des militants communistes entrent en résistance. Alors, Martha Derumeau se réfugie en Belgique en fin septembre, début octobre 1939. Elle va même, sans aucun doute, faciliter le passage en Belgique d'un certain nombre de dirigeants communistes, comme Arthur Ramette, comme Maurice Thorez, comme Jacques Duclos, comme d'autres, Thorez et Ramette partant sur Moscou, Duclos restant à Bruxelles. Et elle revient, le Nord est occupé entre le 20 mai et le 5-6 juin par les forces allemandes. Bon. Elle arrive dans le Nord dès le 9-10 juin. Elle est dans le Nord. Elle est accueillie par un agriculteur du Nord, Janvier Courtecuisse, dont une très belle biographie vient d'être écrite par une de mes amies, une historienne, Monique Hennebon, dans une revue régionale du Nord. Et c'est lui qui accueille, et très vite elle retrouve l'île, elle reprend contact avec un certain nombre de camarades qu'elle avait, en particulier son vieux camarade Joseph Anges, qui a été maire d'Elem de 1912 à 1925, qui a été un des créateurs du Parti communiste, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, parce qu'il a presque 70 ans déjà, et très vite, dès le mois de juillet, après avoir parcouru en vélo le bassin minier, elle va organiser une réunion clandestine à Deuchy, dans un petit estaminet de Deuchy, l'estaminet Célestin-le-Duc, où elle réunit un certain nombre de responsables du Parti communiste, en particulier du bassin minier, et c'est là que va être décidé de mettre en place des mouvements de grève parmi les mineurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas de problème avec la question du pacte germano-soviétique à ce moment-là, visiblement. elle n'a pas de problème avec la question du pacte germano-soviétique. Et je crois que beaucoup, alors, de communistes, même s'il y a eu d'énormes troubles, il faut pas le cacher, bien en sûr, septembre-octobre, les choses ont peu à peu, sont un peu bougées avec l'offensive allemande en France, etc. Il y a tout ce courant profondément lié au combat antifasciste qui demeure, et surtout dans le Nord, où il y a quand même le souvenir de la guerre 14-18. Et de l'occupation. De son occupation, les exactions commises par les Allemands dès leur arrivée en 40, et aussi liées à la misère qui règne dans le Nord, le chômage, les difficultés de vivre, le mauvais ravitaillement, et très vite, ce que ressentent les populations du Nord, ce qui n'est pas la même chose en 14-18, c'est que le patronat, il a fait son choix, en grande partie, il va décider de collaborer. Donc nous avons à la fois un lien entre un regard social par rapport à la situation et un regard patriotique. Alors elle va organiser donc les grèves de mai-juin 1941, elle va participer à cette organisation des grèves, et elle va être très rapidement transférée à Bruxelles, arrêtée, transférée à Bruxelles, déportée à Ravensbrück, et elle aura une attitude dans ce camp de déportation tout à fait remarquable, qui est notée par toutes ses compagnes de détention en l'occurrence, et qui valent, il faut peut-être arriver à la question d'actualité, pourrait-on dire, qui justifie que l'on parle de Martha Desrumeau aujourd'hui, qui valent toutes ces combats que vous avez décrits, en l'occurrence Pierre Outeric, valent la demande que vous faites avec d'autres, en tant qu'historien, mais aussi en tant que militant, de la panthéonisation de Martha Desrumeau. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Ouvrière, syndicaliste, déportée, féministe ». Et donc, ce sont les qualificatifs, d'une certaine façon, qui justifient, selon vous, qu'une ouvrière du Nord puisse entrer enfin au Panthéon. Alors absolument. Un mot quand même sur cette grève. Il va falloir 9 mois pour que grève réussisse. Il y a des mouvements de grève dès septembre, il y en aura en janvier, février, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, très vite, Auguste Lecoeur, qui revient, prendra aussi la direction du Parti communiste du Pas-de-Calais, Martha conservant celle du Nord. La grève va se dérouler du 27 mai au 9 juin 1941, c'est la plus grande grève dans l'Europe occupée. Bien sûr. Vous avez eu 100 000 mineurs en grève et des manifestations de femmes. Vous avez plusieurs milliers de femmes qui manifestent le 4 juin et le 5 juin dans la région lensoise, vers Billy-Montigny, etc. Bon. Et la répression va être sévère, puisque 276 mineurs vont être déportés d'abord à Huy, puis après au camp allemand de Sachsenhausen. Le premier convoi déporté qui part de France, ce sont les ouvriers mineurs. Mmh. Bon. Et alors, elle-même, Martha, est arrêtée dès le 26 août. Elle est arrêtée et elle va être déportée en Allemagne, au camp de Ravensbrück, et là aussi, elle va rentrer dans la résistance du camp, elle rencontre des militantes autrichiennes, tchèques et polonaises, et il y a de nombreux souvenirs, en particulier celle de notre amie Lily Léniel, que je voudrais saluer, qui doit sans doute nous écouter, et qui, âgée de 11 ans, elle a même pas 11 ans, se retrouve dans l'enfer de Ravensbrück en octobre-novembre 1943, et qui va recevoir avec sa mère et ses deux jeunes frères plus jeunes qu'elle, le soutien, l'aide de la résistance clandestine du camp, et entre autres, de Martha Desrumeau. Sur ce point, puisqu'il va nous falloir passer au deuxième thème de notre émission d'aujourd'hui, à savoir la question de la culture ouvrière, mais qui est liée évidemment à ce destin de Martha Desrumeau dans le Nord. Pierre Outeric, cette demande de panthéonisation, vous la faites à quel titre? À tous ces titres, d'une certaine façon, ouvrière, syndicaliste, déportée et féministe, en l'occurrence. Oui, féministe, parce que, j'insiste là-dessus, un des rôles importants de Martha Desrumeau durant toute sa vie, de 1910 jusqu'à sa mort en 1982, c'est d'avoir comme souci de permettre aux femmes de conditions modestes, aux femmes ouvrières, d'accéder à la vie politique, à la vie sociale et à la vie culturelle. Et je pense que c'est remarquable parce que souvent on oublie de souligner le poids dans l'histoire ouvrière de toutes ces militantes ouvrières qui vont mener ce combat depuis Louise Michel, depuis Clara Zetkin en 1910 et Martha Durimont qui va jouer un rôle très fort dans ce combat, y compris avec le combat pour le droit des femmes, mais aussi, n'oublions pas par exemple que le combat pour le, tout ce qui est la, la naissance sans douleur. Oui, l'accouchement sans douleur. Mais on oublie le bon docteur Lamaze. Voilà, le bon docteur Lamaze. Et on oublie que c'est la clinique des métallos. Bien sûr. Financée par la CGT qui va mettre en France au devant cette, cette façon de faire, cette façon d'être, malgré les protestations de l'époque, des médecins, de l'Église. Et les auditeurs de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire en particulier s'en souviennent peut-être parce que nous avons consacré un documentaire, c'était Perrine Kervran, à ce docteur Lamaze et cette technique de l'accouchement sans douleur. On en est où aujourd'hui, Pierre Outhéric, de cette demande qui est relativement récente, puisqu'à l'heure du début décembre, de panthéonisation de Martha Durimont. Cette première demande qui avait été faite il y a 3 ans, lorsque du temps du président Hollande, avec pour une panthéonisation qui serait commune avec Germaine Tillion et avec Geneviève de Gaulle. Bon, c'était pas, il s'agit pas de concurrence. Hein, alors bien sûr, on est très clair entre nous. Bon, et cette demande n'a pas pu venir à bout, et l'association Les Amis de Martha Durimont a décidé de reprendre cette demande, et nous sommes en train de développer un certain nombre d'initiatives, et le fait que nous soyons invités chez vous à votre émission La Fabrique de l'Histoire ce matin est pour nous très importante, car nous avons donc d'abord nos amis qui sont auditeurs peuvent consulter les amis, alors les amis, c'est les A-M-I. Oui, c'est en écriture. E. En écriture inclusive. En écriture inclusive. Bon. Martha Durimont qui se termine, Desrumont, on dirait dans le manuel midi, hein, et qui se termine par A-U-X. Vous avez une pétition que vous trouvez au sein de, change.org, et puis vous frappez Martha Durimont. Un groupe Facebook qui a été créé. Un groupe Facebook qui a été créé. De nombreuses initiatives qui ont lieu. Par exemple, mercredi prochain, nous passons à France Bleu Nord, chez vos confrères, chez vos amis. Nous avons un article qui doit sortir dans le Canard Enchaîné. Vous voyez, nous cherchons à développer le maximum en courant autour d'elle et avant de présenter la demande au président Macron. Très bien. Merci à vous, Pierre Outhéric. Vous restez avec nous, évidemment, alors que nous rejoint maintenant Marion Fontaine, deuxième invitée de cette émission. Bonjour, Marion Fontaine. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France que nous remercions de vous accueillir à Avignon où vous enseignez puisque vous êtes maître de conférence à l'université d'Avignon, mais vous êtes spécialiste de cette culture ouvrière du Nord dont nous voulions parler en ouverture de cette émission. Vous avez beaucoup écrit sur cette question-là, sur le bassin minier, sur le club de foot de Lens en particulier, qui a été remis récemment à l'honneur par une pièce de théâtre à Paris dans le festival d'automne de Mohamed El Khatib qui s'appelait Stadium, mais également sur les grandes grèves, sur les questions qui étaient liées aux catastrophes minières, en particulier celle de Liévin en 1974. Tous ces travaux que vous menez tournent autour justement de cette culture ouvrière dont on a du mal à discerner les contours parce que elle est généralement considérée comme une sorte de bloc. Ça n'est pas la révolution qui est un bloc, c'est la culture ouvrière du Nord. Et vous attachez à en démontrer la variété, les spécificités, l'historicité aussi, parce qu'elle n'a pas toujours été telle qu'on l'imagine aujourd'hui, Marion Fontaine. Voilà, c'est ça. L'enjeu, en effet, quand on parle de culture ouvrière du Nord, c'est d'essayer de désessentialiser, justement, de complexifier une image qu'on réduit très souvent à quelques stéréotypes, hein, surtout aujourd'hui, le football, le ch'timi ou quelques films comme Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'est justement de montrer que cette culture ou cet ensemble de traits culturels est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit. D'abord parce que le Nord ouvrier et industriel est lui-même une réalité complexe et plurielle. C'est pas une seule entité. Il y a évidemment pas que les mines, il y a la sidérurgie, qui peuvent d'ailleurs être des régions de mines et de sidérurgie à la fois, par exemple, etc. Et les filatures. Voilà, c'est ça. Il y a la filature, il y a par ailleurs des mondes ouvriers qui sont relativement différents. La vie dans les cités minières de Lens ou du Valenciennois, c'est pas exactement la vie dans les cours héroubésiennes ou sur le port de Dunkerque. Donc il y a une grande complexité de ce monde ouvrier, complexité qui est encore enrichie par l'importance des apports migratoires dans ce cas précis, puisque comme grande région industrielle, le Nord a accueilli des migrations extrêmement nombreuses, qu'il s'agisse des Belges dans le dernier tiers du 19e siècle, des Polonais, de toute l'immigration nord-africaine. Donc finalement, c'est un monde industriel et ouvrier, lui-même extrêmement riche, donc qui a produit des traits culturels relativement diversifiés. Victor Massé-Dépinay. Mais alors, qu'est-ce que vous faites, Marion Fontaine, avec ce terme de culture ouvrière du Nord? Vous mettez des S à culture, à ouvrière et à Nord, ou bien en historienne, on peut quand même essayer de... comment est-ce que vous traitez ce lieu commun, pourrait-on dire, culture ouvrière du Nord? Qu'est-ce que vous en faites? De deux façons. D'abord, je mets en effet des S et j'essaie de repérer des traits culturels alors que j'ai beaucoup vu pour ce qui me concerne dans le sport, mais qui peuvent être vus ailleurs dans le domaine de la musique, par exemple, et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent recouvrir exactement. Mais je m'intéresse aussi à l'image unifiée qu'on a essayé de donner de cette culture ouvrière. Je ne sais pas s'il y a une unité de la culture ouvrière du Nord. Je sais en tous les cas qu'on a eu tendance à la regarder comme une unité pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Et je m'intéresse aussi à la manière dont cette culture est devenue un mythe qui, lui, a une figure assez unifiée, assez homogène. Mmh. Et cette unité, est-ce qu'elle, de votre point de vue, elle serait née de l'extérieur? Ça aurait été une unité qu'on aurait forgée depuis des classes dirigeantes ou depuis un ailleurs? Ou est-ce que c'est de l'intérieur que les ouvriers du Nord, aussi divers soient-ils, ont voulu trouver des traits communs? Alors, c'est jamais ailleurs extérieur. Je pense que les ouvriers du Nord, ce sont aussi leurs représentants, et notamment leurs représentants politiques. Et le Nord est aussi, Pierre Houterick l'a rappelé, une terre de militantisme extrêmement important. Je pense que ce sont aussi les deux grandes forces politiques qui ont longtemps représenté les ouvriers du Nord, à savoir les socialistes d'une part et les communistes de l'autre, qui ont voulu également unifié. Alors, est-ce qu'ils ont voulu voir une culture ouvrière au niveau régional ou une culture politique? C'est parfois un peu compliqué, mais je pense que c'est aussi tout un travail de construction politique, cette culture ouvrière. Et alors, il y a effectivement cette culture ouvrière, il y a aussi cette façon dont on parle le ch'ti ou le picard, comme le disait Pierre Houterick en première partie de cette émission. Un exemple, musique Roger Elahaye, texte Jules Mousseron, Le Vieux Mineur. L'œil est un vieil pio toute jeune, il n'est point gai le vieux mineur. Une fichelle artien s'marronne et chan annonce point le bonheur. Il demeure avec Osfil chez lui qui soigne les enfants. Touille le soupe, au-dessus le grill, un bertonnant dans un temps. Il s'embête, et chale tracasse, il ne peut plus sarcler saint gardin. Quand elle, pauvre vieux, il s'abasse, hostiette, elle tourne comme un moulin. L'œil éteint, ce vieil pio tout jeune. Voilà un extrait du Vieux Mineur de Jules Mousseron sur une musique de Roger Elahaye. Jules Mousseron qui a été remis en avant justement pour montrer cette diversité de cette culture du Nord par Jacques Bonafé depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Jacques Bonafé lit et raconte les histoires de Cafougnette. C'est pour montrer aussi qu'il y a à la fois une région rurale, une région minière qui n'est que 120 km de longueur. Certes, c'est beaucoup à l'intérieur de cette région du Nord et du Pas-de-Calais, mais il y a tout un tas de variétés entre les petites villes rurales qui ont gardé leur fonction commerciale de l'ancien régime ou du Moyen-Âge et d'autres villes qui se sont profondément transformées avec l'industrialisation du 19e et du 20e siècle. C'est ça, Marion Fontaine, et la désindustrialisation de la fin du 20e siècle. Voilà, c'est ça. C'est en effet ce que vous venez de dire. Bon, le Nord n'a jamais été strictement et entièrement industriel. Ça aurait été absurde. Et vous avez en effet toute une série de zones au niveau des Flandres ou au niveau de la région d'Arras qui sont restées longtemps extrêmement rurales. On pourrait même dire que les régions minières sont restées des régions mi-urbaines, mi-rurales, avec d'ailleurs des traces d'activités culturelles, la chasse, l'élevage des pigeons qui sont... Les coulonneux. Les coulonneux, voilà, qui sont des activités en réalité extrêmement rurales. Donc une région mi-urbaine, mi-rurale et vous le soulignez ensuite, une région dont les traits ont profondément changé, n'ont pas cessé de changer d'ailleurs entre ce qu'est le Nord à la fin du 19e siècle, ce qu'il est dans les années 50, 60, 70, au moment où s'engage une autre phase d'industrialisation avec le développement de la sidérurgie sur l'eau à Dunkerque ou la réindustrialisation, l'implantation de l'industrie automobile dans le bassin minier. Et enfin, l'étré du Nord actuel qui est aujourd'hui l'une des régions les plus désindustrialisées de France. Donc à chaque fois, des configurations extrêmement différentes qu'il est difficile de stabiliser dans une seule image. Et c'est pourtant souvent cette image qui est renvoyée d'un Nord industriel comme en 2012, lors de la campagne que mène Jean-Luc Mélenchon donc à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen, voici ce qu'il dit pour lancer sa candidature. Le mouvement ouvrier français qui est né ici, dans les mines et dans toute cette région, porte de nouveau au clair et au Savoie, qui n'est pas faite d'embrouilles locales, de sacs de nœuds entre seigneurs féodaux, qui est le beau et glorieux drapeau rouge qui s'accroche au drapeau de la patrie. Voilà ce que nous allons faire. Et on va s'y mettre rue par rue, porte par porte, cœur par cœur. Voilà, c'est donc Jean-Luc Mélenchon. C'était en 2012, lors de la campagne donc législative pour conquérir le poste de Hénin-Beaumont. Et en l'occurrence, vous dites, Marion Fontaine, qu'il y a là-dessus, en plus, tout ce qui se joue autour de la valorisation du patrimoine et du passé minier. En 2012, justement, l'ancien bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tout cela, eh bien, ça chamboule les représentations, puisque un temps, vous expliquez dans votre travail qu'on a voulu abandonner, oublier même ce passé minier à cause de la désindustrialisation. Et aujourd'hui, tout compte fait, on va le revaloriser. Et il n'y a pas qu'à Leeward, au musée minier de Leeward, qu'on va tenter de revaloriser ce passé-là, mais un peu dans l'ensemble de la région. C'est ça, tout à fait. Bon, il y a un rapport extrêmement particulier à la culture ouvrière dans sa version minière et à l'identité minière. Dès la fin du 19e siècle, le monde minier, notamment le monde minier du Nord, parce qu'il est le plus important de France, a une double face en quelque sorte. Il représente à la fois tout ce que la condition ouvrière a de plus tragique, tout l'aspect du martyr ouvrier avec les catastrophes, les accidents, la dureté de la vie, et en même temps tout l'aspect héroïque, les ouvriers et notamment les mineurs apparaissant comme les porte-drapeaux de l'ensemble du prolétariat et comme en quelque sorte les porteurs de l'avenir. Donc cette double image, elle est particulièrement puissante. Bon, elle se fait au prix d'extrême simplification. Hein. Les mineurs du Nord sont pas les seuls à avoir constitué le mouvement ouvrier français. Mais cette image, elle va durer extrêmement longtemps. Enfin, elle va durer jusqu'à ce que la industrialisation intervienne, et alors se pose la question de savoir quoi faire de ce monde minier, de cette identité minière et de cette culture ramenée au monde minier. Alors effectivement, on va y avoir plusieurs phases et plusieurs tentations de la part notamment des élites politiques, des dirigeants du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Là, il va y avoir une tentation qui va d'effacer, d'araser tout ça, pas par méchanceté ou côté diabolique, mais avec l'idée que toute cette image-là, désormais, s'est associée à la vieille industrie, à la vieille condition ouvrière, et il faut effacer toutes ces images pour faire renaître un nouveau Nord, moderne, post-industriel, etc., etc. En même temps, depuis effectivement... Depuis l'extrême fin des années 1990, depuis le début des années 2000, a surgi une autre politique... liée notamment au classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'édification du Louvre-Lens, c'est-à-dire la volonté de valoriser au contraire ce patrimoine, cette identité minière comme ensemble d'éléments permettant de développer la région du point de vue touristique et patrimonial. Alors, c'est une entreprise intéressante qui se fait aussi au prix, avec un certain prix, c'est-à-dire avec notamment la volonté de bâtir ou de redessiner les traits de cette culture ouvrière minière de manière extrêmement positive et irénique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on met en avant, c'est la convivialité, la solidarité, les batailles politiques, au risque de d'écraser en quelque sorte le Nord actuel et le bassin minier actuel sous cette image très positive et de faire le reproche implicite au bassin minier actuel de n'être pas à la hauteur de l'image idéalisée de la culture minière qu'on voit aujourd'hui. Vous citez d'ailleurs Nicolas Hatzfeld dans un de vos ouvrages sur Liévin en particulier, qui disait, c'était en 2002 je crois, si les ouvriers sont si peu intéressants aujourd'hui, c'est qu'ils payent la note de n'avoir pas fait ce qu'on attendait d'eux dans les années 70, être de la classe qui se bat, ils nous ont déçus, mais il n'y a aucune raison pourtant pour qu'ils payent pour quoi que ce soit, disait Nicolas Hatzfeld, donc qui était un sociologue, et en particulier lui-même établi en usine après 1970, et donc effectivement il y a cette question de l'intérêt pour ces ouvriers qui pourraient être d'une certaine façon un tout petit peu trop caricatural, dites-vous. Disons qu'on a l'impression, alors ça se voit énormément une fois encore pour les mineurs qui synthétisent l'ensemble des traits du monde ouvrier du Nord, enfin dont on dit qu'ils les synthétisent, on a l'impression qu'ils, ou du moins leurs enfants, leurs petits-enfants, puisque toutes les mines, la dernière mine a fermé dans le Nord en 1990, qu'ils sont un peu prisonniers de leur mythe et de l'image héroïque ou du martyr qu'on entend leur donner. Avec effectivement la difficulté, je pense, aujourd'hui, pour l'ex-bassin minier, pour l'ensemble de ce qu'est le Nord aujourd'hui, et qui est très loin de se résumer à la figure uniquement des ouvriers, de s'identifier à ce genre d'image et, une fois encore, de savoir quoi faire de ce genre d'image qu'on leur renvoie, notamment au soir de chaque élection, en regrettant le bon temps où tous les mineurs votaient communistes, pour dire, comme ça s'entend parfois aujourd'hui, que tous les mineurs ou les enfants de mineurs votent Front National. Alors que dans un sens comme dans l'autre, la situation est un petit peu plus compliquée. Oui, Victor Massé de Lépiné. Oui, vous avez évoqué, Marion Fontaine, le Louvre-Lens. On ne peut pas faire une émission sur le Nord et la culture ouvrière sans évoquer un autre bâtiment qui est à deux pas du Louvre-Lens, qui est le Stade Bollaert. Vous avez beaucoup travaillé sur le Racing Club de Lens, qui peut être évidemment un symbole de ce que vous venez de dire sur la culture ouvrière comme possible prison, comme sorte d'horizon indépassable, puisqu'il est à la fois la belle image du peuple du Nord. Le Racing Club de Lens, on dit souvent que c'est le plus beau public de France. C'est à la fois un passé pour une part construit, parce que le Racing Club de Lens n'a pas toujours été le club des mines, pas toujours été le club des mineurs, et puis peut-être aussi quelque chose qui est difficilement dépassable, et on ne sait pas vraiment quoi inventer une fois qu'on exalte ce passé ouvrier. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur avec cette identité ouvrière? Tout à fait, ou du moins le Racing Club de Lens se démontre peut-être bien à quel point tout cela relève de constructions historiques qui peuvent énormément varier dans le temps. En fait, l'image actuelle du Racing Club de Lens, celle du meilleur public de France, celle des sang et or, celle que Libération saluait en 1998 lorsque le club a gagné le championnat de France. On va fêter les 20 ans du titre bientôt. Voilà, on va fêter les 20 ans du titre. C'est une image qui s'est construite dans les années 1970, très largement comme une espèce de trait d'union, de moyen de réinventer l'unité d'une ville profondément ébranlée dans les années 1970 par la désindustrialisation et par l'implosion du monde minier. Alors aujourd'hui, effectivement, bon, on peut dire que d'une certaine manière, le Racing Club de Lens a rempli son office et a donné à la ville de Lens et à son public une jusqu'à monter sur les scènes de théâtre. Voilà, une forme d'unité et une rassurance culturelle dont toutes les observations permettent de constater à quel point elle est réelle et présente. En même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est que cette fonction, elle n'a eu qu'un temps et qu'aujourd'hui, d'une part, le Racing Club de Lens a du mal à continuer sa trajectoire sportive pour des raisons qui relèvent d'ailleurs davantage de l'histoire du monde du football que de l'histoire de la culture ouvrière. Et par ailleurs, il est bien évident que dans une ville de Lens qui a profondément changé, pour laquelle l'identité minière signifie, et c'est normal, de moins en moins de choses réelles, vivantes. On en arrive à la génération des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de mineurs. La question est de savoir aujourd'hui si l'identité que représente le Racing Club de Lens représente aujourd'hui tout Lens, on représente une partie. Est-ce que cette identité elle-même doit se réinventer? C'est à la fois une prison et c'est en même temps un défi, je pense, une question de savoir comment tout cela va se réinventer. J'ai pris, quand j'en faisais l'histoire, le Racing Club de Lens comme une espèce de miroir ou de reflet de la manière dont évoluait la façon dont se pensait la question de l'identité ouvrière. Je crois que le Racing Club de Lens demeure intéressant parce qu'il continue à permettre de voir comment cette question va se poser dans l'avenir. Alors cette variété que vous décrivez, en l'occurrence de cette histoire du Nord qui ne se résume pas à une seule identité figée, en l'occurrence Marion Fontaine, on va tenter de la montrer, cette variété, dès demain avec un personnage que vous avez découvert, Victor Massé-Lépiné, vous l'avez fait découvrir aussi. On l'appelle par son prénom, mais il a un nom évidemment, il s'appelle Mamadou, tel qu'il est connu partout à Roubaix et autour. Et c'est un personnage singulier dont il fallait presque faire l'histoire par accident, pourrait-on dire. Oui, Mamadou, son nom de famille c'est Ndiaye, mais il est connu partout à Roubaix et plus largement dans le Nord et en Belgique comme Mamadou. C'est quelqu'un de très particulier, en effet, parce qu'il ne représente, il n'est pas vraiment l'archétype de personne. Il est immigré, il est arrivé du Sénégal, mais dans les années 30. Un des intervenants dans le documentaire nous dit que c'était le seul noir de Roubaix dans les années 30. Enfin, pas tout à fait, mais ça, je vous laisse découvrir demain. En tout cas, on a trouvé, c'est Germain Hirsel qui a découvert un vitrail à l'effigie de Mamadou, qu'il a offert, enfin, qui est finalement arrivé au musée La Piscine de Roubaix. Et puis, les articles de La Voix du Nord sur le sujet ont suscité, dans le Nord, en tout cas dans un premier temps, un flot de réactions. Tout le monde se souvient de Mamadou, alors on a voulu en savoir un peu plus. Vous en souvenez, Pierre Outric, vous, de Mamadou, ou vous ne l'avez jamais connu? Je suis arrivé à Roubaix beaucoup plus tard, mais c'est vrai que son nom parle encore, beaucoup moins qu'on ne le croit, mais il parle encore. Dans le quartier du Pile, qui est le quartier du Roubaix besogneux des années 50, 60, 70. Tout Roubaix était besogneux. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas simplement un quartier. Mais le quartier du Pile avait son identité, comme chaque quartier roubaisien. Voilà. Et c'était le quartier des Coulonneux. On a parlé de... Marion Fontaine a évoqué la colombophilie. C'était Mamadou, on l'a appris en faisant notre reportage, avait des pigeons. Et sur la place du Pile, c'était le grand coin des Coulonneux. On écoute un extrait de votre documentaire qu'on écoutera demain, réalisé par Anne Fleury. On se dit, putain, c'est incroyable. Je crois qu'on est tombé dessus un peu par hasard. Un vitrail sur un livre qui s'appelle Mamadou, dont on savait qu'il était guérisseur au Pile. Bah, le vitrail est plutôt le signe de la maison cossue, bourgeoise. Et là, on a quelqu'un du Pile. Il y a eu une vente, visiblement après décès. A priori, il n'y a pas d'enfant, donc on devrait essayer de retrouver, via l'étude de commissaire-priseur peut-être, les ayants droit de Mamadou et de Mamadou Ndiaye, et puis peut-être du coup avoir au moins des images des autres portraits, parce que visiblement la salle d'attente devait ressembler à une sorte de chapelle expiatoire où les gens venaient apporter les portraits. Voilà, il y a ce côté quand même très très religieux d'ex-voto, parce qu'en fait c'est comme un ex-voto ce vitrail qui est tout à fait exceptionnel. Et puis il y avait témoignage reconnaissant la marquise. Là, on est complètement dans le romanesque. C'est qui cette marquise? Voilà, c'était son amoureux, c'était voilà, une miraculée, une grande famille, on ne sait pas. Donc, c'est un peu exciting. J'ai fait deux DVD, reportage de Mamadou, la boxe à Kalken, ici. Donc vous avez des films de Mamadou qui boxe? Oui, aussi. Mais c'est marqué là-dessus. J'ai aussi des informations sur les différents procès qu'il avait. C'était très, très dur. Hein. C'est seulement le dernier qu'il était défendu par Maître Diligent. Alors ça, c'était très bien pour Mamadou. Hein. Il était acquitté aussi. Hein. La chose la plus remarquable, c'est que Mamadou reçoit des clients qui sont presque tous ou généralement envoyés par les médecins. Et qu'il faudrait donc, par conséquent, quand on poursuit Mamadou, poursuivre ceux qui l'incitent, qui sont même les premiers complices, qui l'incitent à exécuter ce qu'il fait. Messe pour les malades à l'église Saint-Rédempteur, les funérailles de Mamadou, reportage de la télévision belge de Bruxelles. Vous nous les prêtez ? Non, je vous donne. Voilà un extrait du documentaire Demain. Pierre Outric a titré son livre Martha Desrumeaux, ouvrière syndicaliste déportée féministe. On pourrait dire même Mamadou Ndiaye, boxeur, immigré, guérisseur. C'est au moins sur ces trois aspects que vous allez traiter cette personnalité, Victor Massé-Lépine. Absolument. Et aussi, poursuivi par la justice un certain nombre de fois. Et je voudrais juste dire que la voix qu'on a entendue, c'est celle d'André Diligent, qui était sénateur puis maire de Roubaix. Maire de Roubaix, centriste. Et qui a été l'avocat de Mamadou Ndiaye dans plusieurs procès pour exercice illégal de la médecine. On a pu avoir ses archives grâce à un monsieur belge qu'on est allé rencontrer, Achille De Vuist, qui était un ami de Mamadou, qui a écrit des livres sur lui et qui nous a donné beaucoup d'archives, et c'était une grande chance de le rencontrer. Merci donc. André Diligent, grande famille démocrate chrétienne de Roubaix, ouais. Et son père Victor a été un des créateurs de la CFTC, du syndicalisme chrétien sur Roubaix et la région lilloise. Et qu'il ne faut pas oublier aussi. Merci beaucoup à vous, Pierre Outeric, d'être venu nous présenter la figure de Martha Desrumeaux et donc votre proposition, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, de la voir entrer un jour au Panthéon en tant que représentante en particulier de ce monde ouvrier du Nord. Et puis merci à vous, Marion Fontaine, d'avoir été avec nous depuis les studios de Radio France à Avignon. On peut lire de votre livre en particulier sur la fin du monde ouvrier sur Liévin 1974, publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Bruno Gagnère-Fontani était avec nous aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation.